Alors, notre invité ce soir, on va vous demander de l'applaudir, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est Laurent Simoni. Bravo. Bravo. Bonsoir. Alors, Laurent. Laurent, on te retrouve où? On te retrouve en spectacle à Paris? Oui, oui, on me retrouve à la Petite Loge. C'est une annexe de la Petite Loge, cette émission. On me retrouve à la Petite Loge à partir du mois de juillet, oui. Tous les mercredis à 20h30. Ah bah c'est bien. Voilà. Non, 20h, Laurent. Pourquoi? C'est soit 20h, soit 21h30. Si tu vas à 20h30, tu vas être en retard. Qu'est-ce qu'il est contrariant, Blanc. Venez à 20h, quitte à passer une demi-heure, mais venez à 20h, c'est mieux. On sait jamais. C'est mignon comme tu as fait boire. Hier, j'avais été chercher du boulot. Ah. Ouais, ouais, alors j'avais tout préparé. Ma photo, mon CV, ma lettre de motivation. Ouais, non, bref, j'étais aussi motivé qu'une lettre. Merci, Philippe. J'arrive devant le pôle emploi. Fermé. Ah bon? Ouais, mais c'était en grève. Alors que je n'en veux pas, on était dimanche. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Mais bon, il pourrait faire un effort. Hein. Quand même. Moi, j'en fais bien, moi. Oui, tu y vas le dimanche. Des fois, je me lève le matin. Après, ils vont se plaindre que les gens n'ont pas de boulot. Alors, c'est très visuel, hein, comme ça. oui, alors, voilà. Donc, pour ne pas rentrer bredouille, hein, je suis rentré dans une boulangerie. Je demande un pain pas trop cuit, s'il vous plaît. Oui, ça c'est pas compliqué. La femme derrière le comptoir me regarde dans les yeux et me dit « J'en ai pas. » Ok, appelez-moi le directeur. Alors là, un homme en blouse blanche et moustache noire arrive. Je me fais la réflexion moi-même. J'ai rarement vu un boulanger aussi moustachu. L'homme me regarde dans les yeux. Frédéric, s'il te plaît. L'homme me regarde dans les yeux, je le regarde dans les yeux. Bref, on se regarde dans les yeux. Oui. Quand il me dit, ce n'est pas une boulangerie ici. Je regarde autour de moi. Là, c'est là, très visuel aussi. Hop, pas l'ombre du soupçon de l'esquisse du début d'un croûton de pain. Je regarde l'enseigne extérieure. Pharmacie. Oh, ça peut arriver à tout le monde de se tromper, les deux se terminent en I. C'est vrai, oui. Bravo. Merci. Alors, un routier passe la frontière au volant de son 20 tonnes. Un douanier l'arrête et lui demande « Que transportez-vous ?»« 10 000 huîtres. »« 10 000 douzaines d'huîtres, pardon. » Ah. Et oui, frère, je vois. Ça en fait 12 de plus. Alors, ouvrez-les. C'est une devinette. Oui. Comment Paris Hilton peut-elle obtenir plus de neurones? Hein, ah, en se mariant pas. Non, en étant enceinte.